Ici tu es quelqu'un, c'est pas très grave. Suffit d'un gros calibre et d'un casque intégral. Ici tu es quelqu'un, c'est pas très grave. Suffit d'un gros calibre et d'un casque intégral. Les balles juste à côté, les gonds débarquent en sous-marin ou dans le rat. C'est quoi vos bails, les nôtres c'est de faire la maille. Les poulets rachent à boule, les pisse dans les transats. Ça s'embrouille pour moins de 105. On a du vice, du stress sans cesse, on vit sans strass. Eden Basto, j'manie le mic, moi comme un god. Les diens sont hauts, jouez pas les roues, plus sur vos têtes, on fera des pocs. On vient tabasser le beat, conquérir le titre, prendre le pif pour la famille, on peut se barrer nous loin d'ici. Si à Marseille, c'est le pastis et la pétanque, chez nous c'est sec. C'est shit pour se détendre, on se fume le crâne, ouais porte le temps. C'est quoi vos bails, les nôtres sont sales, 3-5 c'est ça, c'est là d'où je viens. Alors les gars, dites-moi c'est quoi vos bails. Ici tu es quelqu'un, c'est pas très grave. Suffit d'un gros calibre et d'un casque intégral. Ici tu es quelqu'un, c'est pas très grave. Suffit d'un gros calibre et d'un casque intégral. On veut des gros billets pour sortir bien habillé. Partir en vacances et regarder ce putain de soleil briller. Eden YZ, concurrence dans le Z, ça fait des temps sacs, ça gagne 35. Trop de jeunes vendent de la drogue pour finir leur vie sur un transat. C'est quoi les bails? C'est quoi les bails? Regarde-moi bien dans les yeux et dis-moi c'est quoi les bails. Bientôt je me barre au Sénégal sur ma terre mère. J't'envoie 6 pieds sous terre si tu touches à ma matière, frère. On aime l'argent, ici y'a personne qui fuit la thune. On fait nos bails mais la police nous prend en filature. Le rap français, tu sais que moi et mes potes on pisse dessus. Y'a rien à foutre car dans ce milieu y'a que des fils de pute. Ici tu es quelqu'un, c'est pas très grave. Suffit d'un gros calibre et d'un casque intégral. Ici tu es quelqu'un, c'est pas très grave. D'un gros calibre et d'un casque intégral. YZ, moi j'ai la chaîne nébulaire. Les Nikers sur le pavé et une patate légendaire. Je ne me suscite personne à part ma mif. Et mes proches toutes les salopes en 2010 ne pensent qu'à vie. Dès mes potes tu parles ma vie. Je t'écorche à vif, on bombe le torse comme Broly. T'es deux filles, je te tire dessus au Broly. C'est quoi les bails? French Connection et Den Bastos. On prend le temps de mettre ta dose pour les tox qui sont tous à on est des bandy boys, anti-coyote. Je pense qu'à la bicra toi tu me boycottes. Me cale sur le clap, on fausse, mets des claques. Mon rap est légendaire, obligé de tout d'attaque. Côté obscur comme un Anakin, on vous l'a mise, ouais. C'est ça les daddy boy, mon équipe met une disquette. Ici tu es quelqu'un, c'est pas très grave. Suffit d'un gros calibre et d'un casque intégral. Ici tu es quelqu'un, c'est pas très grave. Suffit d'un gros calibre et d'un casque intégral.